Ça fait longtemps que toutes ces lettres attendent sous terre, tel le magma. Toutes ces lettres forment des mots qui remontent, ça me rend mad, moi. Écrire, c'est mon arme, du sourire à la larme. J'entends l'approche de la larme, de la roche à la lame. Tout se transforme, l'album prend forme, pourvu qu'il vous transporte. Au fond, c'est ça qui m'importe. Je propose à mes sœurs et frères une vision. Pour mettre nos matières en fusion, ça fuse, on capte les éléments. Nous sommes des passeurs, on teste des aliments, même si on n'est pas sûr. Rallumer le studio à pas d'heure, on réussit, on échoue, mais pas de cassure, pas de panique. On aperçoit la fissure volcanique. On laisse tourner les instrus, pendant que les astres unifient nos mélodies et nous illuminent sur terre. Ça se réchauffe petit à petit dans le cratère. Chaque flot, chaque doute m'intéresse. On se rapproche de la croûte terrestre. Ça vient du fond du cœur, un mélange venu des profondeurs. Éruption de l'être, j'ai décidé d'être.